Lettre 44e. Société mélangée, réunions exclusives, les dignitaires de l'Empire. Quoique les salons de Paris présentent peut-être en ce moment la société la plus mêlée, sous le rapport de l'opinion, qu'il soit possible de rencontrer dans le monde, il arrive pourtant parfois que l'on se trouve dans des réunions où tout le monde pense de même, et où l'on se fait honneur de cette uniformité de sentiment, car toutes les fois que cela arrive, la société se regarde comme particulièrement choisie et comme possédant toute la dignité de nos exclusifs. Le tableau de Paris, tel qu'il est, serait peut-être plus ressemblant s'il était tracé d'après un coup d'œil pris dans les sociétés formées sans aucun égard à la politique ou aux principes d'aucun genre. Mais je me suis trouvé avec beaucoup de plaisir admise en trois occasions différentes dans des soirées tout à fait exclusives. À la première, une amie pleine d'obligeance, à côté de qui j'étais placé, eut la bonté de me nommer toutes les personnes de la société, et j'appris de cette façon que j'avais l'honneur de me trouver avec la plupart des ministres actuels du roi Louis-Philippe. Trois ou quatre de ces messieurs me furent présentés, et j'eus l'avantage de voir de près, dans leurs moments de loisir, ces hommes sur qui pèse en ce moment une responsabilité plus grande peut-être que celle dont aucun ministère s'est jamais trouvé chargé. Toutefois, aucune tristesse, aucune préoccupation, aucune inquiétude ne paraissait les tourmenter, bien que le procès monstre, ce principal sujet de leur tourment, ne fût nullement banni de leur discours. En attendant, la manière dont ils en parlaient ne me donna certes aucun motif de croire que ce poids dût les accabler, ni même qu'il leur fît éprouver le moindre embarras. Quelques-unes des extravagances des accusés furent relevées avec assez de gaieté, et le ton général de la conversation fut celui d'hommes qui savent parfaitement ce qu'ils font et qui trouvent plus de sujets de rire que de s'effrayer dans l'opposition et dans les injures auxquelles ils sont en butte. J'avoue pourtant que cette légèreté d'esprit, que j'approuve fort dans des moments de récréation, ne devrait pas se montrer dans des occasions plus graves, où elle ne sert qu'à produire de l'exaspération de la part des accusés, exaspération que je veux bien croire sans danger pour l'État, mais qu'il n'est pas bon d'exciter inutilement. J'ai lu, il y a quelques jours, dans la spirituelle feuille intitulée « La chronique de Paris », une lettre décrivant une des séances de la cour des pairs dans ce procès, et la gaieté manifestée par le duc de Breuil est critiquée dans les termes suivants. J'ai fait moi-même partie de ce public privilégié que les accusés ne reconnaissent pas comme un vrai public, et j'ai pu assister jeudi à cette dramatique audience où la voix tonnante d'un accusé, lisant une protestation, a couvert la voix du ministère public. J'étais du nombre de ceux qui ont eu la fièvre de cette scène, et je n'ai pu comprendre, au milieu de l'agitation générale, qu'un homme aussi bien élevé que M. de Breuil, je ne dis pas qu'un ministre, trouva seul qu'il lui là sujet de rire, en lorgnant ce vrai Romain, comparable à ces tribuns qui, dans les derniers temps de la République, faisaient trembler les patriciens sur leurs chaises curules. Ce vrai Romain méritait cependant, selon moi, d'être puni plutôt que raillé, car jamais criminel traduit devant la barre des tribunaux de son pays n'insulta plus grossièrement ses lois et son gouvernement que l'accusé Beaune ne le fit en cette occasion. Il faut convenir que si les relations qui nous parviennent par les journaux ne sont pas exagérées, la conduite des accusés fournit à chaque séance des causes suffisantes de colère et d'indignation, sans toutefois inspirer aucun sentiment qui approche de la crainte. La manière calme, digne et modérée dont la cour des pairs a agi jusqu'à présent pourrait, je pense, servir d'exemple à plus d'une assemblée législative. Les ministres de Louis-Philippe sont fort heureux que le mode de poursuite auquel ils se sont décidés à avoir recours dans cette embarrassante affaire ait été suivi par la Chambre haute d'une manière qui laisse si peu de prise à une critique raisonnable. Ce devoir bien pénible lui a été imposé illégalement, s'il faut en croire bien des gens, mais malgré cela, il a été par une autorité à laquelle tout respect est dû, et la cour s'en est chargée avec un courage qui lui fait honneur. La seconde réunion exclusive où je fus assez heureuse pour être admise était, sous tous les rapports, l'opposé de la première. La belle maîtresse de la maison elle-même m'assura qu'il ne s'y trouvait pas un seul doctrinaire. Là aussi, l'éternel sujet du procès-monstre fut discuté, mais d'un ton bien différent et avec des sentiments aussi éloignés que possible de ceux qui avaient dicté le triomphant et gai persiflage auquel je venais de prêter l'oreille. La conversation ne fut pourtant rien moins que triste, car la réunion était à vrai dire singulièrement aimable. Toutefois, au milieu de nombreuses railleries et de fréquents éclairs d'esprit, on entendait gronder, comme un tonnerre lointain, des paroles sinistres annonçant des révolutions futures. On haussait les épaules, on secouait la tête, on frappait sur la tabatière avec une sorte de courroux, et de temps à autre, au milieu de l'aimable babil des jolies femmes et des compliments bien tournés de ceux à qui cet aimable babil s'adressait, on entendait des phrases du genre de celle-ci « Tout n'est pas encore fini. Nous verrons, nous verrons. » S'ils usent d'arbitraire et autres semblables. La troisième société était aussi bien différente des deux autres. Cette réunion avait lieu dans le faubourg Saint-Germain, et si le sentiment que bien des personnes traitent de préjugés ne me trompe point, le ton de la haute société y était beaucoup plus remarquable que dans les deux premières. Je soupçonne fort que les personnages distingués qui la composaient seraient traités de rococo par ceux des deux brillantes soirées que je viens de décrire. Et pourtant, ils étaient de l'étoffe dont sont faits les vrais patriciens. Il y en avait, à la vérité, plusieurs qui étaient tout à fait de l'ancien régime, et plusieurs autres qui en descendaient et qui avaient hérité de la noblesse et de la fierté de leurs ancêtres. Mais soit qu'ils fussent jeunes ou vieux, soit qu'ils eussent joué un rôle distingué dans les jours de la première révolution, ou qu'ils soutinssent les principes chevaleresques de leur race, en s'éloignant de plus en plus de celles de la seconde, dans un cas comme dans l'autre, ils offraient dans leur manière cet air de supériorité que la noblesse du sang peut seule donner. Il existe encore une quatrième classe qui se compose des dignitaires de l'Empire. Je ne sais s'ils se rassemblent dans des sociétés qui leur soient particulières, mais jusqu'à présent, du moins, je n'ai pas eu occasion d'y pénétrer et je ne pense pas que cela soit. Il est probable qu'il y ait des maisons où on les rencontre plus fréquemment que dans d'autres. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'endroit où ils forment une classe séparée, si ce n'est autour du dôme des Invalides. Il n'y a rien de plus facile que de les reconnaître. On les distingue aussi aisément parmi les autres personnes qu'un homard cuit dans un panier de homard en vie. Le joli petit Vaudeville appelait, je crois, la Dame de l'Empire, présente, à mon avis, le portrait le plus ressemblant que jamais comédie ait offert d'une classe entière sous des traits individuels. Les flots orageux qui depuis 40 ans inondent et sillonnent la France, n'ont jamais déposé sur son sol de race aussi fortement marquée de caractère distinctif que celle produite par les militaires de l'Empire. L'influence de l'énorme pouvoir dont l'action se faisait alors sentir a laissé de nobles vestiges. Partout où la science se montrait, le pouvoir l'a poussée en avant, et les siècles à venir béniront pour cela la protection éclairée de Napoléon. Il faudra bien des siècles de dévastation et de barbarie pour effacer tout ce qu'il a fait en ce genre. Mais cette même époque, pendant qu'elle tirait de l'obscurité des talents et des esprits entreprenants, qui, sans son influence, n'auraient jamais vu la lumière du jour, créait en même temps une foule d'hommes et de femmes que cet éclat et leur position sur le devant de la scène ne montraient pas à l'œil du spectateur impartial sous un jour avantageux. J'ai entendu dire qu'il faut 3 générations pour faire un gentilhomme. Ceux créés par Napoléon ne sont pas encore arrivés à la seconde, et malgré tout mon respect pour le talent, l'industrie et la valeur, je ne puis m'empêcher, en les regardant, de sentir la vérité de cette maxime. Il est possible que le ton parfait de l'aristocratie qui a suivi en France celle de l'Empire rende plus remarquable ce qui manque à celle-ci sous ce rapport. Il serait difficile, en effet, de se faire l'idée d'un contraste plus frappant que celui d'une dame de l'ancienne noblesse bourbonienne, avec une maréchale de création impériale. On dirait qu'il n'entre pas un atome dans la matière dont l'une et l'autre sont formées, qui n'indique l'origine différente de l'esprit qui les anime. Le son de leur voix, le regard de leurs yeux, leur sourire, leur démarche, tout est contraste. Quand tous les traits d'une dame de l'Empire et d'une femme noble seraient jetés dans le même moule, je suis sûr qu'elles ne se ressembleraient pas plus que la reine Constance et Nell Gwynne. Il n'y a pas moins de différence dans les hommes. Je ne parle pas des savants et des artistes, leur rang est d'un autre genre, mais de ces échantillons de grandeur décorée que l'on rencontre par-ci par-là, et qui semblent avoir été arrachés de vive force au corps de garde. Des militaires avec d'énormes moustaches, qui, à la moindre observation, paraissent prêts à s'écrier « Sacré nom de Dieu, je suis un héros, moi, vive l'empereur, boh !» On plaisante beaucoup sur les personnes fashionables d'aujourd'hui, mais le rang, les places, la faveur de la cour doivent donner quelque réalité à l'importance de ceux que les derniers mouvements ont porté au fait du pouvoir. Et cela est beaucoup moins rebutant que les réminiscences vides, grossières et soldatesques du patronage impérial, que présentent parfois les hommes à qui leur sabre a frayé la route des salons de Paris. Les hommes vraiment grands de l'Empire, et il y en a certainement beaucoup, ont pris soin de se procurer d'autres droits à la distinction que celui d'avoir été tirés par Napoléon de leur profonde obscurité. Je pourrais appliquer à ceci ce que dit le soldat dans Macbeth. Il ressemble à des canons bourrés d'une double charge. Quant aux dames, maintenant d'un certain âge, qui dans ces jours de belliqueuse mémoire, de petites demoiselles bourgeoises devinrent, par la grâce du sabre et de la trompette, des maréchales et des duchesses, je suis convaincu qu'elles sont beaucoup moins bien placées dans un salon que celles qui, plus jeunes d'années et de dignité, sont encore dans toute la fraîcheur de leurs nouveaux honneurs. D'ailleurs, à bien considérer la chose, le trône est après tout occupé par un Bourbon, en place d'un autre, et quoique la manière dont ce changement s'est fait soit grandement à déplorer, il n'a pas dû produire dans l'aristocratie de la France une convulsion aussi violente que le règne d'un soldat de fortune, bien que le plus illustre qui ait jamais porté les armes. La plupart des plus nobles familles de France restent encore attachées au sol dont depuis tant de siècles elles portent le nom, et l'on assure que le roi Louis-Philippe n'éprouve pas pour elles une grande répugnance. Si donc de nouveaux changements n'ont pas lieu dans le pays, si d'autres journées immortelles ne viennent pas déplacer encore une fois tout le monde, il est probable que le nombre de ces familles ne diminuera pas dans les cercles de la cour. Dans l'intervalle, la haute société, qui doit sa naissance à la dernière révolution, a, comme de raison, ses entrées partout, et s'il y a quelques marques extérieures qui la fassent plus particulièrement reconnaître, c'est, je pense, chez les femmes, une toilette plus riche et moins simple que celle de leurs nobles voisines, et dans les hommes, un air général de prospérité et de satisfaction, avec un regard parfois un peu triomphant, souvent un peu protecteur, et toujours un peu affairé. C'est une duchesse qui m'a donné l'idée la plus parfaite d'une parvenue impériale que j'ai encore vue autre part qu'au théâtre. Quand une dame de cette classe parvient à un rang aussi élevé, les dangers de sa fausse position se multiplient autour d'elle. Une tranquille bourgeoise, qui devient dame noble du troisième ou du quatrième rang, doit nécessairement paraître un peu gauche. Mais pourvu qu'elle ait le moindre tact, elle pourra rester sans être ridicule, sous l'honorable protection de celles qui sont placées au-dessus d'elle. Il n'en est pas de même quand elle devient duchesse. Alors, la chance tourne terriblement contre elle. Madame la duchesse est inévitablement en vue, et si elle ajoute à son mauvais ton le malheur d'être une femme bel esprit et la prétention de la littérature à celle du rang, il y a fort à parier qu'elle sera réellement très remarquable dans son genre. Aussi, ma duchesse parvenue est-elle très remarquable. Sa démarche est celle d'un caporal portant un ordre. Sa voix est la première, la dernière et presque la seule que l'on entend dans le salon qu'elle honore de sa présence. À moins, toutefois, qu'elle ne parle bas par hasard à quelque galant décoré, militaire, savant ou artiste, de la même fournée qu'elle. En même temps, elle promène ses regards autour de l'assemblée comme si elle se disposait à faire l'appel. Malgré ses ridicules, cette dame est sans contredit une personne de talent. Et si elle avait eu le bonheur de rester dans le rang où elle et son époux étaient nés, il est probable qu'elle n'eût pas jugé nécessaire de parler si haut, et ses bons mots n'en auraient produit que plus d'effet. Mais elle est si complètement déplacée dans le rang auquel son mauvais génie l'a élevée, que l'on croirait que Napoléon, en fixant sa destinée, a dit comme M. Jourdain « Votre fille sera marquise en dépit de tout le monde, et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse ».